Jussa, Jussa, o Jussa acabar. Tchau, tchau. Debugging, debugging, debugging, debugging, debugging. chèche nan jwen, si fouye nan jwen no. Hay mama. Ololoy, si gè mon perkoy, de fwa hey. Si cherchez dans le joint, si fouillez dans le joint, décorez.